Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Esmeralda, cette jeune bohémienne, mais est-elle bohémienne de naissance, nous le saurons plus tard, hante l'esprit, nuit et jour, de tant de personnages du roman de Victor Hugo. Et elle, Esmeralda, est-elle amoureuse? Évidemment, et pas pour son bonheur. Que peut la sorcellerie, pour ou contre elle? Voici les épisodes 24, 25, 26, 27 et 28 du feuilleton Notre-Dame de Paris, diffusé pour la première fois sur la chaîne parisienne, les 14, 15, 16, 17 et 18 mai 1957. La radiodiffusion française présente l'œuvre célèbre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Texte et production de Jacqueline Lenoir. Hélas, ma mère, je ne m'en consolerai jamais. Oh non, jamais. Oh, allons, fleur de lys, calme-toi. Ton Phébus reviendra. Me faire cet affront devant mes amis, partir avec cette bohémienne. Oh, j'en mourrai. Mais non, prends patience, mon enfant, et pleure tant que tu peux, cela te fera du bien. Vous avez vu ma mère, comme il l'a regardée. Il se sentait chez lui avec cette fille de rien, tandis que pour me courtiser, il n'a jamais d'élan. Non, lorsque vous serez mariés, tout cela s'arrangera. Vous voulez dire par là qu'il conservera ses allures de bretteur sans vergogne et que pour lui plaire, je devrais faire la moitié du chemin qui me sépare de sa grossièreté? Ma petite fille, lorsque Phébus te serre dans ses bras, tu te plains que sa cuirasse te fait mal. N'espère pas, lorsqu'il sera en chemise, que les choses iront mieux. Il te blessera d'une autre façon, voilà tout. Est-ce là le mariage et ses félicités? Jusqu'à présent, vous m'entrassiez en tout autre tableau. Mais c'est que, ma fille, les tableaux ont besoin d'être mis en valeur. Il ne suffit pas de les peindre. Tant que personne ne les admire, ils n'ont pas de vie propre. Il me faut mettre un cadre autour du cou pour que l'on me remarque. Comprends-le ainsi. Jeune fille, tu es ignorée. Épouse, tu seras révélée. Crois-moi, cela vaut mieux. Faut-il tout pardonner à Phébus avant d'être mariée? Avant et après. Tu l'as voulu beau dans ses uniformes étincelants. Trouve juste que d'autres le remarquent. Il ne m'appartiendra donc jamais. Si, il est plus bête qu'une oie. Il te suffira de lui caresser le plumage et de bien le gaver. Quant à cette Esmeralda, tu ne crains rien. Tu seras vengée. Et alors, mon vieux Jean, si tu m'avais vu, jamais je n'avais été aussi plein. Patience, ami, avec quelques cruchons, tu le seras bientôt tout autant. Et cette fois, je te tiendrai compagnie. Tonnerre, entendu? Doublons pas, s'il te plaît. Et pourquoi, Phébus? Mais j'ai peur que la bohémienne me voie. Elle doit danser quelque part par là. Et quelle bohémienne? La petite, là, qui a une chèvre. Ah, Esmeralda! Oui. J'oublie toujours son diable de nom. Dépêchons, elle me reconnaîtrait. Je pourrais plus m'en dépêtrer. Je tiens à m'enivrer d'abord. D'abord, quoi? Oh, la petite est folle de moi. Uh-huh. J'ai rendez-vous avec elle ce soir. En vérité? Ce soir même. J'ai la falourdelle. La villatière du pont Saint-Michel. La vieille, elle a une chambre accueillante. Mmh. J'ai mes habitudes. Et es-tu certain qu'elle viendra? Jean, tu es fou. Est-ce qu'on doute de ces choses? Mais tu ne crains pas qu'elle s'accroche? Ton mariage avec Fleur de Lys est pour bientôt. Tu es un ami. Ne me parle pas de cette cérémonie. Cela me dégrise d'un seul coup. Elle ne te marie pas. Oui, hein? Bon, enfin, il faut bien passer par là. Et la fille de Dame Aloïse, c'est un beau parti. Bon, bête comme une oie. Mais ça, mais... On lui caressera le plumage. Ah, avec la bohémienne, ça, c'est différent. Hein. On dirait plutôt une bête sauvage. Hein, la mort, griffée. Aïe, aïe, aïe. Tempérament. flamant de feu, mon vieux. Sans doute. Capitaine Phébus, tu es un valeureux soldat et un fief et coquin. Les deux amis se mirent en route vers la pomme d'Ève. Mais ils n'étaient pas seuls. Claude Frollo les suivait dans l'ombre. Après son entrevue avec Gringoire, il était sorti de la cathédrale le visage et l'âme en feu. Tout de suite, il avait vu son frère Jean accoster le beau capitaine dont l'armure étincelante attirait les regards. Tout de suite, il avait entendu son nom lui claquer au visage comme un soufflet. Phébus. Phébus. Était-ce la solution de l'énigme que ce nom lui posait depuis les confidences de Gringoire? Est-ce possible? Est-ce possible? Ce ruffian va-t-il la tenir dans ses bras? Et elle, l'impudique, la vierge folle, va-t-elle se donner à lui? Messire Gringoire, comme nous voilà loin de vos chimères poétiques. Vierge, Esmeralda, pure, inviolable. Mais prête à se rendre sans condition à un soldat ivre. Mais prête à se vautrer sur le lit des entremetteuses. Mais prête à recouler de plaisir dans un accouplement sordide. Sorcière! Sorcière! Tu finiras sur le bûcher. J'en fais le serment. Et je serai là pour te voir brûler ta chair, pour voir couler tes larmes, pour entendre tes cris de souffrance. Et je serai libéré. Enfin. Tu ne viendras plus tourmenter mes nuits que tu remplis de ta présence maudite. Tu ne seras plus comme un doute affreux entre Dieu et moi. Esmeralda. De quelle contrée lointaine es-tu venue pour me troubler? Pourquoi est-ce toi? Pourquoi est-ce moi? Pourquoi est-ce moi? Qui a inscrit ce signe fatal au-dessus de nos destinées? Les femmes étaient sans corps et sans visage jusqu'au jour où tu es venue danser sur le parvis de Notre-Dame. Elles sont toujours sans corps et sans visage, Esmeralda. Il n'y a que toi, avec cet air farouche et tranquille, avec tes pieds bruns cerclés de bracelets d'or, avec tes jambes nerveuses, et tes hanches rondes avec ton buste ployé que crèvent deux petits seins pareils à des jeunes pousses qui se tendent vers la lumière. Esmeralda, tu m'as tout appris. Je ne savais rien, insensé que j'étais à chercher dans les livres comment il faut s'y prendre pour dominer le monde. Mais rien qu'en te possédant, on doit se sentir Dieu. Esmeralda, jamais... Tu ne seras un autre. S'il est vrai que tu es vierge, c'est moi qui ferai couler ce sang innocent. C'est à moi qu'il appartient de célébrer cet hymen. C'est moi qui épouserai ton corps pour qu'il s'ouvre à la vie. Sinon, tremble, Esmeralda, car pour m'avoir ensorcelé de la sorte, je te ferai mourir dans les supplices. Viens, Jali. Viens, ma chèvre. Ce soir, dépêchons-nous de rentrer. J'ai rendez-vous avec mon beau capitaine. Oh, Jali, c'est mon premier rendez-vous. Crois-tu qu'il viendra? Eh bien, en voilà deux qui n'engendrent pas la mélancolie. Le cabaret de la Pomme d'Ève n'est pas loin, j'ai comme une impression qu'ils ne manqueront pas sa porte. Qu'en dites-vous, compère? Ça donne envie. Oh, pardon, monsieur l'archidiacre, c'était vous. Dans cette brume naissante, je ne vous avais pas reconnu. Ce n'est rien, maître Charmolue, ne vous excusez pas, je marchais un peu à l'écart de ces drôles. Je n'aime pas être bousculé par des hommes ivres. Oh, ma foi, il ne l'était point encore, mais ça ne saurait tarder. La jeunesse a du bon. Je suis bien aise de vous rencontrer, monsieur l'archidiacre, car j'ai à vous donner des nouvelles du procès Marxenet. Faites vite, messire, je n'ai guère de temps. Où en êtes-vous? La question vous a-t-elle réussi? Hélas, non. Ah. Cet homme est une pierre. Nous le ferons bouillir au marché au pourceau avant qu'il ait rien dit. Et pourtant, je vous affirme que nous le travaillons. Il est déjà tout disloqué. Vous n'avez rien trouvé de nouveau dans sa maison? Oh, si fait. Tenez, ce parchemin que j'allais justement porter chez vous. Ah, montrez. Mais c'est de la pure magie, maître Charmolue. Emen et To, c'est le cri des striges lorsqu'elles arrivent au sabbat. Per ipsum et com ipso, et in ipso, c'est le commandement qui recadenasse le diable en enfer. Ax, pax, max, ceci est de la médecine, une formule contre la morsure des chiens enragés. Maître Jacques, vous êtes procureur du roi en cour d'église. Ce parchemin est abominable. Maintenant, il faut nous quitter. Merci. Ne m'en veuillez pas de vous avoir retenu. À bientôt. Je suis votre obligé, monsieur l'archidiacre. Tout de même, un mot encore, s'il vous plaît. Quoi donc? Est-ce si pressant? J'oubliais de vous demander quand il vous plairait que je fasse appréhender la petite magicienne. Quelle magicienne? Cette bohémienne, voyons, qui vient tous les jours danser sur le parvis. Malgré la défense de l'official, elle a une chèvre possédée qui suffirait à faire pendre toute la bohème. Le procès est prêt, il sera bientôt instruit si vous le désirez. Et une jolie créature d'ailleurs que cette danseuse, les plus beaux yeux noirs de la terre. Alors, quand commençons-nous? Je vous dirai cela. Rien ne presse, laissez faire. La fatalité, maître Charmolue. La fatalité. Hypocrase, la fille. Mon verre est vide. La cruche sonne creux. Voilà, voilà. Arrive ici, Goton. Repose-toi sur mes genoux, vertu bleu. Oh, tiens, enseigne à la pomme d'Ève. Faudrait de temps en temps pouvoir la justifier. Goton, c'est moi qui régale. As-tu du vin de Beaune? J'en ai assez pour noyer une compagnie de routiers. Alors, perds pas ton temps avec ce bord. Je me sens du Maroc sur trois tonneaux. Encore les tonnerres. Que la vie est généreuse entre ce salmi de canard et cette fiole d'Hippocrase. Capitaine Phébus, tu te goinfres comme un pâle freinier. Vingueux à belle église. Vive les pâles freiniers. Tu sais là, leur ordinaire. Je préfère ça aux croquignoles et aux tartes à la cannelle de ma douce fiancée. Décidément, cette fleur de lys te pèse sur l'estomac. N'importe quoi, je dis ça, sa grande baffre de salmi. Et même, je lui ajouterai ce petit fromage de chèvre. On en fait. On les fait à Chavignol. Ah, Chavignol. Oh, par du tonnerre. À propos de chèvre, sais-tu, l'ami, quelle heure il est? Foi, le veilleur vient d'annoncer la dixième heure. La dixième heure? Dixième heure. C'est l'heure de mon rendez-vous avec la bohémienne. Et qu'est-ce que ça fait? Reste avec moi, capitaine de mon cœur. De ton cœur. Mon cœur, oui. Il y a dans ce cabaret 10 chèvres qui bêleront aussi bien que la tienne. Ta langue se charge de sottises, convergent. Tu es ivre. Il te plaît de l'affirmer, Phébus. Oh, mais tu ne l'es pas moins. Pas vrai, non. Debout et marche droit. Monsieur Bachelier. Monsieur Bachelier, vous savez, il faut que je vous quitte. Voilà 10 heures, j'ai rendez-vous avec une femme. Accrochez-vous à moi. Là. L'air vous fera du bien. Compagnie de deux. Compagnie de Dieu. Compagnie de trois. Compagnie du cuisine. Oh, en bleu. Respire un bon coup. Hey. Attention, ne va pas tomber dans le ruisseau. Je vois le ciel et les étoiles. T'es jolie, jolie, hein. Tiens, je voudrais m'envoler sur une nuée. Oh, trêve de plaisanterie. Oh, sans Dieu, il est saoul comme un moine. Vas-tu m'écouter? Ouais. Il faut que je te parle. Parle, capitaine Phoebus de Châteaupère. Vous me secouez de vilaine façon. Et puis pourquoi avez-vous trois visages? Un seul suffirait à ma joie. Jean, mon ami Jean, vous savez, j'ai rendez-vous à cette petite au bout. Au bout du pont Saint-Michel. Et qu'il me faudra payer la chambre de cette vieille ribaude qui nous reçoit. Je la connais, elle ne fera pas crédit. Jean, est-ce que nous avons bu toute l'escarcelle de votre frère l'archidiacre? Ne vous reste-t-il pas un parisi? La conscience d'avoir bien dépensé cet argent me remplit d'émotion. Non, Dieu a votre conscience. Oui ou non, Jean, avez-vous un peu d'argent à me donner? Mais Seigneur, l'argent est méprisable. Ici, il faut en avoir, c'est pour mieux l'oublier. Oh, il n'y a rien à tirer d'une autre barre. Écolier de l'Antéchrist, puisses-tu être étranglé avec les tripes de ta mère? Enfin couché. Relève-toi, tu ne vas pas rester là, en travers du chemin. Laisse-moi, je suis bien, j'ai envie de dormir. Oh, bah, la tête parmi les ordures et les pieds dans le ruisseau, c'est pas une couche pour un clerc comme toi. Laisse-moi, te dis, les trognons de choux embaume, et je suis heureux ce soir grâce aux écus de mon frère le curé. Vive Claude Frollo, l'archidiacre de Notre-Dame. Que Dieu le protège. Jean. Oh, tant pis pour lui. La charrette du diable le ramasse en passant. Pour moi, j'ai mieux à faire. Salut, veilleur. Salut, capitaine. Méfiez-vous des rôdeurs. Les rues sont vides. Pas tant que mon escarcelle. On n'y trouverait pas un parisien. Bonne chance. Dormez tranquille. Il est 10 heures de la nuit. Tout va bien. Un peu plus loin, en continuant son chemin, le beau capitaine s'aperçut que la rue n'était point si vide que sa bourse. Quelqu'un le suivait. À un tournant, il vit nettement une espèce d'ombre se projeter sur les murs. Phoebus ralentit le pas. L'ombre fit de même. Il se remit en marche. L'ombre reprit sa course. Devant la façade du collège d'Autun, Phoebus s'immobilisa pour rattacher ses aiguillettes qui s'étaient dénouées. La rue était tout à fait déserte. Il vit alors l'ombre s'approcher lentement. Arrivée près de lui, elle s'arrêta et demeura plus immobile qu'une statue. Cependant, elle attachait sur Phoebus deux yeux fixes, pleins de cette lumière vague qu'ont la nuit les prunelles d'un chat. Le capitaine était brave et se serait fort peu soucié d'un larron l'estoc au poing. Mais cette statue qui marchait, cet homme pétrifié dans l'attente, le glacèrent. Il courait alors dans Paris des histoires de moines bourrus, rôdeurs nocturnes et diaboliques qui lui revinrent brusquement en mémoire. Sa réaction fut rapide. Monsieur, si vous êtes un voleur, comme je l'espère, vous me faites l'effet d'un héron qui s'attaque à une coquille de noix. Lâchez-moi, immédiatement. Entendez-vous, immédiatement. Soit. Après tout, vous ne m'avez pas attaqué. Et si c'est de l'argent que vous voulez, adressez-vous ailleurs. Je suis un fils de famille ruiné. Je le sais, capitaine Phébus de Châteaupers. Oh, comment ? Bon diable, vous savez mon nom ? Je ne sais pas seulement votre nom. Je sais aussi que vous avez un rendez-vous ce soir. Ma foi, oui. À 10 h. Et il est temps. Chez la Falourdel. Précisément. Avec une fille, comme il se doit dans un lieu pareil. Oserez-vous dire son nom ? Pourquoi pas ? Ni elle ni moi n'avons à nous cacher. J'y dois rejoindre la belle Esmeralda. Capitaine Phébus de Châteaupers, tu mens ! Ah ! Christ Satan ! Un Châteaupers mentir ? Voilà une parole qui s'attaque rarement à mon oreille. Tu n'oserais pas le répéter ! Tu mens ! Ah, voilà qui va bien. Qui que tu sois, dégaine ! Et tout de suite ! Aux épées ! Allons ! En garde ! Eh bien, qu'attends-tu, maraud ? N'aurais-tu rien pour te battre ? Préfères-tu mes poings nus ? Capitaine Phébus, vous perdez inutilement un temps précieux. Oubliez-vous votre rendez-vous d'amour. Demain, après-demain, quand vous voudrez. Je suis prêt à me battre avec vous, mais ce soir, une femme vous attend. Sur mon âme, c'est pareil juste. Ce sont là deux choses charmantes qu'un rendez-vous avec une jolie fille et un autre avec une épée. Et puisque vous me permettez les deux, je rengaine. Allez, monsieur, ne manquez pas votre chance de ce soir. Grand merci de votre courtoisie. J'espérais bien vous coucher dans le ruisseau et avoir encore le temps de rejoindre la belle. D'autant qu'il n'est pas mauvais de faire attendre les femmes en pareil cas. Et pourtant, vous m'avez l'air d'un gaillard, dites-moi. Et ceci nous promet un rude combat. Je vous sais gré de le remettre à demain. Ramassez votre escarcelle, monsieur. Elle a roulé à terre. Oh, corne et tonnerre ! Vous l'avez vue tomber plus que vous ne l'avez entendue, car elle est fort plate et ce ne sont pas les écus qui teinteraient sur le pavé. Êtes-vous si démuni, capitaine ? Oh là là ! Plus encore, je ne sais même pas comment payer la chambre qui doit abriter mes amours. Mais la Falourdel ne me fera point de crédit. Tenez, monsieur, si vous me permettez, voici de quoi vous acquitter. Vrai Dieu ! Est-ce possible ? Alors là, vous m'étonnez. Entre gentilshommes, il n'est point de dette qui ne se rembourse. Vous me rendrez demain l'argent et le combat. Que vous êtes bon enfant. Eh bien, ma foi, j'accepte. Cela me rend service. Toutefois, j'y mets une condition. Oh, mon cher, mais c'est votre droit. Parlez. Prouvez-moi que j'ai eu tort et que vous disiez vrai. Cachez-moi dans quelque coin d'où je puisse voir si cette femme est vraiment celle dont vous avez dit le nom. Oh, écoutez, puisque je vous affirme que c'est Esmeralda. Ah, vous tremblez pour quelque autre coquine dont vous êtes jaloux, hein ? Voyons, que cela ne tienne, hein, pour vous rassurer. J'y consens. Ah. Nous prendrons la chambre Sainte-Marthe et vous pourrez voir à votre aise d'une soupente qui est à côté. Un trou, mais ne restez pas trop longtemps, une fois votre curiosité satisfaite. Capitaine, vous... n'attendons pas davantage, je vous suis. Oui, oui. Que Paris est drôle, et comme on y fait de curieuses rencontres la nuit. Enfer et paradis partageront ta vie. Enfer et paradis partageront ta vie. 10 h sont sonnées et le client est pas encore là. Ah, j'aime pas ça, Torchonnet. Il est vrai que la petite est là-haut avec sa chèvre. Une chèvre, oh, je te demande un peu. Y a rien à faire pour qu'elle la monte pas dans la chambre. C'est une belle chèvre, maîtresse, avec des cornes et des sabots dorés. Oh, je dis pas, mais c'est des drôles de manières quand même. J'attends encore 5 minutes et si son galant arrive pas, je renvoie la belle et je ferme la maison. Le diable aime peigner avec ses cornes la quenouille des vieilles femmes. Et fouette falourdelme, j'ai peur de tous ces moines bourrus qui rôdent à ce qu'on dit dans le quartier du Châtelet. Mais je suis là pour vous défendre, maîtresse. Oh, un gringalet comme toi. T'as pas seulement 15 ans et t'es tout rabougri. Oh là là, quel métier. Toujours la porte ouverte pour le plaisir des autres. Mais moi, j'en ai plus de plaisir à veiller si tard la nuit. Il est vrai que j'ai eu mon bon temps. Attentionnez. La mère Falourdelle n'a pas toujours été la pauvre loque d'à présent. Oh, fallait me voir quand j'avais 20 ans. Oh, je sais, la vieille, je sais. Tu sais rien du tout, Torchonnet. T'es si laid que même maintenant, je voudrais pas de toi. Ah, oh, qu'est-ce que c'est qui est là? J'ouvre pas sans savoir. Ah, faut pas demander qui c'est. Celui-là, il s'annonce toujours par des jurons. Ah ouais ? Ah, je vais ouvrir. Et s'il a pas d'argent aujourd'hui pour me payer la chambre, il ira dormir ailleurs avec sa fille et sa chèvre. Ah, j'ai pas pressé, mère Falourdelle. Pourtant, je t'avais prévenu de ma visite. Dis-moi, la petite est là ? Mais ça fait un bon quart d'heure qu'elle nous attend. Vous avez-t-il l'argent ? Oui, tiens. Femelle du diable, un bel écu tout neuf, attrape! Ah! Ah, ça c'est bien gentil. Entre donc, monseigneur. Mon logis est le vôtre. Ouais. Et je suis tout honoré par votre présence, beau capitaine. Ce gentilhomme vous accompagne. Ouais, t'en occupe point, monsieur et de mes amis. D'ailleurs, il ne restera qu'un instant. La Falourdelle est discrète. Et ses détails n'occuperont pas son esprit. Allez, allez, assez de chimagrée. Allons, dépêche-toi, éclaire-nous le chemin avec ta chandelle. J'ai hâte de contempler un autre visage que le tien. Si ces messieurs veulent me suivre. La vieille, suivie des deux hommes, grimpa à l'échelle qui conduisait à l'étage supérieur. Et Torchonnet, d'un œil indifférent, les regarda disparaître. C'était un enfant sale et gris, autant que les cendres du foyer avec lesquelles il jouait. Mais sitôt qu'il se vit seul, il bondit vers le tiroir où la Falourdelle venait de ranger l'écu que Phébus lui avait jeté. D'un geste preste, il l'enfouit au fond de ses chausses et déposa à sa place une feuille sèche, arrachée d'un fagot. Puis, les yeux baissés et l'air plus absent que jamais, Torchonnet retourna s'asseoir près de la cheminée. Entrez là, mon cher. N'est pas confortable, mais vous pourrez très bien y voir à travers les planches disjointes de cette maudite masure. Vous voyez ? La chambre Sainte-Marthe est juste à côté. Alors je vais dans quelques instants y amener la belle-fille, et vous constaterez que je n'ai point menti. Tonnerre, je compte qu'après vous disparaîtrez au plus vite. Nos ébats n'ont pas besoin d'un témoin. Allez, adieu. Et n'oubliez pas que nous devons nous retrouver. Seigneur, Seigneur, où suis-je et comment y suis-je? Et dans quels abîmes vous plaît-il de plonger une âme pour l'éprouver? Cette soutane d'archidiacre que je porte pour votre gloire, la voici tachée de boue. J'ai suivi un ruffian chez une entremetteuse et j'ai supporté leur plaisanterie abjecte sans me révolter. Je suis là comme un cloporte qui se traîne au milieu des gravats et des immondices. J'ai laissé mon jeune frère, ivre mort, couché en travers d'une rue déserte sans lui porter secours, mon frère, mon petit Jean. Voilà pour qui mon cœur tremblait chaque fois que ta santé faiblissait et que de ton enfance émergeait l'adolescence cynique dont je n'ai pas su comprendre les faiblesses. Tu dors quelque part à même le pavé, exposé à tous les dangers. Tu pues l'alcool et l'odeur des femmes, et pourtant, tu es plus innocent que moi. Mon Dieu, éclairez-moi, car l'obscurité qui m'environne n'est rien au regard du néant où je roule sans fin. Est-ce de mon orgueil que vous me punissez, Seigneur, d'avoir voulu planer parmi les aigles et de me retrouver rampant dans le galetas d'une tenancière, l'œil vissé au trou d'une serrure pour y surprendre les amours d'une danseuse et d'un gendarme? Je suis honteux, Seigneur, d'une honte qui me ronge l'âme. et si chargée pourtant d'intentions sauvages que la peur même du péché ne peut plus me sauver. Dans l'instant où je vous appelle, tout mon être vous rejette. Ma prière, autant que moi, reste collée au sol. Le tourment est dans ma chair, et je la sens plus exigeante, plus avide de ténèbres complices, que mon âme ne l'a jamais été de votre lumière. Celle qui résume tout pour moi maintenant. Esmeralda, pure, inviolée, éblouissante. Écoute, non, vraiment, ma amie, cette chèvre de toutes les fêtes. Enfin, du diable, si je m'attendais à ce qu'elle vous accompagne. Jolly ne me quitte jamais. Pas plus que ceci. Oh, un poignard à présent. Mais sais-tu, coquine, que la loi te le défend? Je le sais. Mais il me défend, lui, contre toutes les attaques. Petite sauvage, vas-tu te défier de moi? Pose ton poignard là, sur cette table. Il faut tenir les hommes en grand mépris pour n'avoir pas plus confiance. Hélas, Seigneur, c'est de vous que j'encours le mépris. Mon feu Dieu, pourquoi? Pour vous avoir suivi ici. Je n'ose vous regarder en face. Ce que je fais est mal, je le sens bien. Redon, c'est la chose la plus naturelle du monde que de souhaiter s'enfermer en compagnie de la mort. Oh oui! Oh oui, de l'amour. Et je vous aime, Phébus. Comme je vous aime. Ah, la bonne heure. On a qui est parlé clair. Laisse-moi prendre ta taille, ma mignonne. Dépose un baiser là. Au creux de ton cou. Non, pas encore, Seigneur. Je vous en prie. Non, capricieuse. Tu veux jouer avec moi? Ce n'est pas désagréable. Tu es si fine. Phébus, laissez-moi vous parler. Vous regardez vivre. Oh, tenez. Marchez un peu, que je vous vois tout grand et que j'entende sonner vos éperons. Tu es comme une enfant. Ah, c'est dommage que je ne sois pas venu avec mon bel uniforme blanc brodé d'or. À cette heure plus. Mon petite, écoute-moi. Non, je ne vous écouterai pas. M'aimez-vous, Phébus? Oh, dites-le-moi. Mais si je t'aime, mais si je t'aime, ange de ma vie, mon corps, mon sang, mon âme, tout est à toi. Tout est pour toi. Je t'aime, je n'ai jamais aimé que toi. Oh, voilà le moment où l'on devrait mourir. Mourir? Mais que dis-tu là? C'est le moment de vivre ou jamais. Mourir au commencement d'une si douce chose. Corne de bœuf, quelle plaisanterie. Écoute, petite. Dites, Esmira. Ah, ne m'en veux pas, tu as un nom si prodigieusement sarrasin, je ne puis m'en dépêtrer. Mon Dieu, moi qui croyais ce nom joli, puisqu'il vous déplaît, Seigneur, je voudrais m'appeler Goton ou quelque chose d'aussi bête. Mais ne pleure pas pour aussi peu, ma gracieuse, c'est un nom auquel il faut s'accoutumer. Voilà, je vais l'apprendre par cœur, là tout. Je te disais que j'ai toi un goût passionné, n'est-ce pas ce qui compte? Oh, tu me plais, ma belle. Ah, tu es là de trouver cela naturel. Pourtant, j'étais une petite qui doit crever de rage. Seigneur, pourquoi? Qui est-ce? Qu'est-ce que cela nous fait, puisque tu m'aimes? Oh oui, oui. Et que je t'aime. Ah, je vais te rendre la plus heureuse créature du monde. Ah, nous aurons quelque part, si tu veux, une jolie petite logette. Hein. Je ferai parader mes archers sous tes fenêtres. Ils sont tous à cheval. Tu sais, tous. Ils peuvent narguer n'importe quelle compagnie du roi. Il y a des voulguiers, des couleuvriniers, à main. Avec des harnais blancs et de l'étendard au poing. Tu verras comme tu seras fier. Toutes les femmes aiment ça. Viens, ma belle. Viens, défais ta ceinture. Phébus, que faites-vous là? Marianne, mais je disais seulement que tu devrais quitter cette tête un peu bizarre. Très encombrante. Non, mais confiance, petite sauvage, confiance, pas mal. Je t'aime. Vous m'aimez, Phébus. C'est merveilleux. Dites-le-moi encore. Dites-le-moi sans cesse. Mais oui, je t'aime. Allons, laisse-toi aller. Reste contre moi, Esmeralda. Ah, tu vois, je sais déjà ton nom. Et puis je sais aussi délacer un corsage. Oh, tu es belle. Tu as l'air d'une perle au creux d'un rayon de lune. Phébus, je suis si troublée. Phébus, non, ne dis plus rien. J'ai peur de t'entendre maintenant. J'ai peur du bonheur que tu me donnes. Et tu as peur de tout. Au lieu de t'abandonner à la minute présente, laisse-moi t'embrasser au moins. Écoute, tu vas me trouver bien sotte peut-être, mais je voudrais... Phébus. Oui? Je voudrais que tu m'instruises dans ta religion. Hein? Dans ma religion? Moi, t'instruire dans ma religion? Mais quoi, Nétonner? Qu'est-ce que tu veux faire de ma religion? C'est pour nous marier, Phébus. Pour nous marier? Ah, parce que tu... Nous marier. Ah, petite fille, mais qu'est-ce que c'est que cette folie-là? Crois-tu que l'on s'aime moins sans le secours d'un prêtre? Mais viens plus près. Regarde-moi. Bon, ne fais pas ces yeux-là. Penses-tu que le mariage me ferait mieux dire « Esmeralda, je t'aime » oh, Phébus. Oh, Phébus, oh, oh, vous m'avez arraché ma gorge, Rick. Non, mais tu exagères à la fin! Pourquoi crois-tu que nous sommes là? Oh, pitié, n'approchez pas! Ah, n'approchez pas! Je viens de découvrir. Tu es trop désirable, Esmeralda. Et puis, tu n'es plus une enfant, en fait, il ne fallait pas accepter de venir ici avec moi. Oh, si j'avais su, jamais je ne serais venue! Allez, calme-toi, ma petite fée, sois pas si farouche. Ne garde pas tes bras croisés sur ta poitrine comme une armure. Je n'ai nullement l'intention de te faire du mal. Donne-moi tes mains. Moi, tes mains, mon chéri. Tiens, je voudrais bien être à la place de ce sachet que tu portes là, suspendu à ta gorge. Hmm? Et qu'est-ce que c'est? Un porte-bonheur? N'y touchez pas. Ce n'est pas un porte-bonheur. C'est mon ange gardien. Et je dois en rester digne. Non, non, non, vous ne triompherez pas de ma vertu. Sans cela, je ne retrouverai jamais ma famille. Grâce à ce sachet, il me sera un jour possible de reconnaître ma mère. Oh, ma mère, où es-tu? Protège-moi aujourd'hui. Laissez-moi, monsieur, allez-vous-en. Oh, qu'est-ce que c'est que tout ça, Aya? Corne et tonnerre, si je m'attendais à cela. Une fille stupide, une chèvre. Une amulette qui cadenasse la vertu mieux qu'une ceinture de chasteté. Oh, tu t'entends, bohémienne de mon cœur, pour donner du piment à tes rendez-vous d'amour. Mais cela suffit, crois-moi. T'as nullement besoin d'en voir et d'en entendre davantage. Adieu, damoiselle. Puisque damoiselle il y a... Phébus. Oh, je vois bien le peu de cas que vous faites de ma personne et de l'intérêt que je portais à la vôtre. Phébus. Oh non, plus de Phébus, non. Non, je ne m'aimais pas, c'est clair. Je ne l'aime pas. Il ose dire que je ne l'aime pas quand tout mon cœur est déchiré. Oh, démons, ce sont là des mots. Je m'en abreuvais de bientôt depuis une heure. Tu as raison, Phébus. J'ai risqué de te perdre pour n'avoir pas voulu répondre à tes caresses. Oh, qu'est-ce que tu veux? J'étais démente. Je ne voyais pas les choses dans leur vérité. Reste, Phébus. Reste. Et prends-moi. Car si tu pars, je n'existerai plus. Après tout, que m'importe l'amulette et sa promesse illusoire? Je n'ai jamais connu ma mère et je ne la connaîtrai sans doute jamais. C'est toi qui me tiens lieu de tout. C'est toi qui es ma mère, puisque je t'aime. Regarde, Phébus. Je te retiens, je m'accroche à toi. Et je te répète, fais de moi ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Oui, Esmeralda. Et puis, tu sais, ce que je disais tout à l'heure pour le mariage. N'y pense même plus. Hein? Belle chose, vraiment. Une danseuse des rues épouser un gentilhomme. Mais tu te... Oh, je criais que je t'aimais sans voir que je ruinais ta vie. Embrasse-moi, Phébus. Écrase-moi contre toi. Regarde, tu as dénudé ma gorge et je me meurtris à ton pourpoint d'officier. Oh, tu es merveilleuse, Esmeralda. Oh, tu me grises maintenant avec les mêmes mots qui tout à l'heure me fouettaient le sang. Oh, mon cœur, mon beau capitaine. Ne crains même pas de me faire souffrir. D'avance, je l'accepte. Je me donne à toi, totalement. Pour être ta maîtresse d'abord, et plus tard ta servante. Et si aujourd'hui je réclame ton amour, demain je me contenterai de ta pitié. Parce qu'il n'y aura qu'un homme dans ma vie, Phébus. Et que c'est toi, toi. Oh, te voici belle, belle comme je te rêvais. Frémissante, abandonnée. Oh, viens, mon amour. Phébus! En garde! Mais qu'est-ce que c'est encore? Ah! Oh! méchant. Au secours! Au secours! Esmeralda, tu es évanouie. Tu ne l'as pas vu. J'ai tué celui-ci. Et je recommencerai, s'il le fallait. Prends garde, Esmeralda. J'ai compris que je t'aimais jusqu'au crime. Jésus-Marie et deux cadavres. Et c'est tout plein de sang. Oh oui. Torchonnez. Torchonnez. Oui, patronne. Cours chercher les hommes du guet. Oh, j'y vais. Oh, ben alors. Oh, Sainte Vierge, protégez-moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Une maison si bien tenue. Allons, la vieille, patente Jérémiade, racontez plutôt ce que vous savez. Mais c'est rien, moi. J'ai entendu la petite crier au secours, je suis montée, vous pensez? Et puis j'ai vu comme vous, maintenant, le bel officier, la face contre terre, avec un poignard dans le cou, et la bohémienne étendue à côté. Vous n'avez rien remarqué de particulier? Si, la fenêtre qui était ouverte par un franc pareil. Et puis comme une grande ombre noire, juste comme j'arrivais. Comment ça, une ombre noire? Oui, une espèce d'énorme chauve-souris, je sais pas, moi, un fantôme, enfin quelque chose qui s'est envolé par la fenêtre. Venez d'entendre Notre-Dame de Paris, adaptation radiophonique de Jacqueline Lenoir d'après Victor Hugo. Réalisation et musique originale de Jean-Wilfried Garret. Avec, dans les rôles principaux, Michel Bouquet, Claude Frollo, Anne Capril, Esmeralda, Jean-Marie Amato, Quasimodo, Berthe Bovy, La Sachette, Jean Danet, Phébus. Et dans le rôle de Gringoire, Jean-Marc Tenberg. Aujourd'hui, vous avez également entendu dans les rôles de La Falourdel, Jeanne Marquen, Torchonnet, Michel Dumur, l'officier Henri Bradley, l'archer Jacques Deschamps et la voix de Jean Péméja. Bruitage, Joël Noël. C'était Notre-Dame de Paris. Ces épisodes, les 24e, 25e, 26e, 27e et 28e du feuilleton tiré de l'œuvre de Victor Hugo, ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne parisienne les 14, 15, 16, 17 et 18 mai 1957. Vous pourrez les réécouter en ligne ou les télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».